C'est fou, hein. Salon 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Émilie Gauthier nous fait sortir de notre trou avec sa chronique « Veux-tu sortir avec moi? » Aussi, on fait le survol des nouveautés musicales de la semaine. Assemblage requis commence maintenant! Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, ça c'est l'émission du retour en pièces détachées. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières et je m'appelle Mathieu Plante, bonjour. Salut Mathieu. Salut Kiwan. Ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui. Passe une belle soirée hier. Oui, j'ai passé une très belle soirée hier. J'ai écouté un savoureux documentaire sur le carcajou, Mathieu. C'était vraiment fabuleux. Le carcajou, vraiment? Oh oui. Wow. Tu vas nous en parler en détail? Ben c'est sûr. Ben oui. Aujourd'hui, on va recevoir Émilie Gauthier pour sa chronique plein air « Veux-tu sortir avec moi? » Et aujourd'hui, Émilie va nous parler du Carnaval de Québec, du Festival Québec en glace de North Face et du Festineige des Forges. Et aussi, puisque c'est mardi, comme à tous les mardis, on va parler des nouveautés CD de la semaine. Je vous parle aujourd'hui de Hot Chip, Stereophonics et des Yeah Yeah Yeahs. Mais on débute l'émission avec un bloc musical, comme on le fait toujours. Et une fois de temps en temps, on aime ça faire des blocs thématiques, des blocs avec un lien, avec un sujet à l'intérieur. Et là, on a choisi, Kiwan? On a choisi un thème très original, parce que généralement, quand on fait des blocs thèmes, c'est toujours très original. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est les fruits. Les fruits, ben, c'est un bon thème. Très bon thème. Les fruits, comme dans, tu sais, il y a des fruits, on les mange, on les déguste. Hein? Alors, on va entendre J.D. Bench 400 livres, tantôt avec leur succès à Nana. Hein? On va aussi avoir Polype avec Presse Citron. Mais on commence ça tout de suite avec Orange Orange et la pièce Et je pleure à Assemblage requis. Je regarde la neige qui tombe, la fenêtre contre le nez. Puis je pense aux enfants du tiers-monde qui vont naître contre leur gré. J'imagine une fleur sur la tombe d'un soldat qu'on a égaré sous les cadavres et les décombres de tout mon cœur. Et je pleure toute la journée, et je pleure pour me soulager, et je pleure pour l'humanité. Et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure. I'm in need of some deep attention. I want to walk in a brand new dimension. Calcule mes livres en trop. Je danse tous les vendredis soirs. Je fais l'amour en stéréo. Je m'achète une télévision. Je me couche pour un téléthon. Je compose de tristes chansons de tout mon cœur. Et je pleure toute la journée. Et je pleure pour me soulager. I'm in need of some deep attention. I want to walk in a brand new dimension. Keep my eyes from breaking apart. Tell me when jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Donc voilà, c'était notre bloc thématique avec comme sujet les fruits. On a entendu Jesus Bench 400 livres avec ananas, polype avec presse citron et orange, orange avec et je pleure. C'est toujours Assemblage Rocky, émission du retour en pièces détachées. Maintenant, c'est l'heure de se renseigner avec quelques petits faits divers intéressants. Voici, c'est un fait. Kiwan, savais-tu, premier fait intéressant, que presque 100 000 enfants aux États-Unis amènent un fusil à l'école à chaque jour, quotidiennement, 100 000 enfants? C'est beaucoup. C'est trop. 100 000, là, oui. C'est impressionnant. Savais-tu aussi que le jour après l'Action de grâce aux États-Unis, c'est la journée la plus occupée pour les plombiers? Mais pourquoi, au juste? Ah, ben ça, je sais pas trop. Peut-être que les gens... Les toilettes sont plus sollicitées le jour de l'Action de grâce. C'est ce qu'on peut se demander. À chaque jour, 15 milliards de cigarettes sont fumées partout dans le monde. 15 milliards. À chaque jour. À chaque jour. C'est beaucoup plus que d'humains au complet qu'il y a sur la Terre. Mm. C'est juste c'est deux fois à peu près, ouais. C'est fou. Et on sait que c'est pas tout le monde qui fume, donc ça en donne plus à chaque personne. Mm-hmm. Si tu mets un poisson rouge dans une pièce sombre, donc où il n'y a pas beaucoup de lumière, éventuellement, il va devenir blanc. Le poisson blanc. Mais bon. En Albanie, tu connais le pays, l'Albanie, l'endroit, l'Albanie? Oui. Albanie. On dit que hocher de la tête, donc verticalement, le faire comme ça veut dire non. Et puis à l'horizontale, ça veut dire oui. Donc c'est le contraire de nous autres. Oui, ça peut être mélangeant, là. C'est assez confus. Y a-t-il d'autres choses qui font à l'envers de nous? Ou... Ah! En fait, il... savoir, hein? C'est ça. Tout est à l'envers, là-bas, vraiment. Tu sais, tu marches à reculons. Peut-être que la toilette flush à l'envers, comme dans les Simpsons. C'est ça. Ça va en Australie pour voir si... Faudra le tester. Tous les continents de la Terre, Kiwan, sont plus larges au nord qu'au sud. Tous les continents qui existent sur notre planète Terre, et on sait pas pourquoi, mais ils sont tous plus larges en haut qu'en bas. Hey, tous les continents, là, toutes les continents. Toute la gang, là, il y en a comme plein des continents. Il y en a beaucoup. Est-ce que tu connais J. Edgar Hoover? Non. Bref, le gars aimait sacrer dehors des agents du FBI quand leur main était moite, quand il leur serrait la main. Donc, il sacrait dehors du FBI juste parce qu'il avait les mains moites. Donc, il était stressé, peut-être. C'est-tu un président des États-Unis, ça? J'ai même pas fait ma recherche, j'aurais dû. Hein? Je suis vraiment pas fort là-dessus. J. Edgar Hoover. J'ai marqué J. Edgar. J. Edgar Hoover. Ça dit que c'est le directeur du Federal Bureau of Investigation, donc le directeur du FBI. Le directeur, voilà. Voilà. Et finalement, dernier fait divers, les filles ont plus de papilles gustatives que les garçons. Elles goûtent plus. Je suis jaloux. Moi aussi, j'en veux. Je vais me faire greffer une langue de fille. Ça peut paraître bizarre. Là, ouais, c'est assez étrange comme façon de dire les choses. Ouais. En effet. Voilà donc pour la chronique, c'est un fait, donc des choses utiles, des choses qui sont importantes à savoir dans la vie de tous les jours. K-1. On tourne en musique. Oui, qu'est-ce qui s'en vient prochainement? Dans l'émission, on va recevoir Émilie Gauthier pour parler de plein air. C'est sa chronique « Veux-tu sortir avec moi? ». Elle a plein de sujets super divertissants pour nous aujourd'hui. Ça va être le Carnaval de Québec, le Festival Québec en glace de North Face et le Festineige des Forges. Et aussi, moi, je vous reparle de mon carcajou. Ton carcajou? Ben oui. Ben, tout le monde se demande c'est quoi un carcajou, c'est quoi l'affaire? Ben, je vous en parle tantôt. Bon, ben restez là. Juste avant ça, on s'en va en pause, mais avant ça, on écoute « The Almost » avec la pièce « Hands ». Patrick Campbell de l'émission Le Rock du Grand Flamou. Je vous invite tous les jeudis à compter de 9h à écouter le meilleur du rock québécois des années 70 à CFOU 89.1 FM. C'est fou dans ta face. 89.1 Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Émilie Gauthier nous fait sortir de notre trou avec sa chronique « Veux-tu sortir avec moi? » Et on fait le survol des nouveautés musicales de la semaine. C'est Assemblage requis et ça commence maintenant! Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées. On est en direct des studios de CFOU à Trois-Rivières. Je m'appelle Mathieu Plante. Bonjour, salut Kiwan. Salut Mathieu, ça va bien? Ça va bien et toi? Ben oui, ça va super bien. Qu'est-ce que t'as fait hier soir, mon Kiwan? Ben hier soir, Mathieu, j'ai écouté un savoureux documentaire sur le carcajou. C'était vraiment fabuleux. Je vais t'en reparler un peu plus tard d'ailleurs. Le carcajou? Oui, le carcajou. Le carcajou. Uh-huh. Ben. Aujourd'hui, à l'émission, on va recevoir Émilie Gauthier qui va nous parler de plein air, comme à toutes les semaines. Et aujourd'hui, elle va nous parler du Carnaval de Québec, du Festival Québec en glace de North Face et du Festineige des Forges. Et aujourd'hui aussi, puisque c'est mardi, à chaque mardi, on fait toujours ça. On va parler un peu des nouveautés musicales de la semaine. Je vais vous parler aujourd'hui de Hot Chip, Stereophonics et des Yeah Yeah Yeahs. Donc, on commence en musique comme on le fait à tous les jours. Et une fois de temps en temps, on aime ça faire un bloc thématique, un bloc avec un sujet, un lien à travers les pièces. Donc, on va entendre aujourd'hui... un bloc très original sur un sujet, oui, assez original, c'est les fruits. Ben oui. Les fruits, et on les mange, on déguste ce bloc musical-là, ça va être excellent. On va avoir Jésus Bench 400 livres tout à l'heure avec leur succès Anana. On va aussi entendre Polype avec Presse Citron, mais on commence. On commence tout de suite avec le groupe Orange Orange et la pièce Et je pleure à Assemblage requis. Qui tombe la fenêtre contre le nez, puis je pense aux enfants du tiers-monde qui vont naître contre leur gré. J'imagine une fleur sur la tombe d'un soldat qu'on a égaré sous les cadavres et les décombres de tout mon cœur. Et je pleure toute la journée, et je pleure pour me soulager, et je pleure pour l'humanité, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure. I'm in need of some deep attention. Mes livres en trop, je danse tous les vendredis soirs, je fais l'amour en stéréo, je m'achète une télévision, je me couche pour un téléthon, je compose de tristes chansons de tout mon cœur, et je pleure toute la journée, et je pleure pour me soulager. I'm in need of some deep attention. I want to walk in a brand new. 7h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Alors voilà, c'était notre bloc thématique avec comme sujet très original les fruits. Alors dans ce bloc-là, on a entendu Juice Bench 400 livres avec la pièce Anana, Polype avec Presse Citron et Orange Orange avec la pièce Et je pleure. Maintenant, c'est le moment de se renseigner avec des choses utiles, des choses qui servent à quelque chose. Voici la chronique, c'est un fait. Kiwan, savais-tu que presque 100 000 enfants aux États-Unis amènent un fusil à l'école quotidiennement à chaque jour? Et à chaque jour, 100 000, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop. C'est vraiment. Le jour après l'action de grâce, c'est le jour le plus occupé pour les plombiers aux États-Unis. Et est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui justifie que les toilettes sont plus utilisées, j'imagine? Il y a des restants, en tout cas. À chaque jour, 15 milliards de cigarettes sont fumées partout dans le monde. 15 milliards? Mm-hmm. Ça fait beaucoup. C'est le double du nombre d'êtres humains qu'il y a sur Terre. Fait que c'est 2 cigarettes par personne par jour. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui fume, donc ça en fait plus pour chacun. Fume, ouais. Si tu mets un poisson rouge dans une pièce sombre où il n'y a pas beaucoup de lumière, ils vont devenir blancs. Complètement blanc. En Albanie, tu connais le pays, l'Albanie. Mm-hmm. Albanie. Hocher de la tête là, à la verticale, ça veut dire non. Et le faire à l'horizontale, ça veut dire oui. Et est-ce qu'on sait s'il y a d'autres choses qui sont inversées comme ça? Ça peut être pratique, tu sais, si on va en Albanie. Tout le monde marche par l'envers, par en arrière. Ah. C'est comme ça. Tous les continents de la Terre, Kiwan, sont plus larges au nord qu'au sud. Et personne ne sait pourquoi. Ils sont tous plus larges en haut qu'en bas. Tous, vraiment tous les continents de la Terre au complet. Il y en a plein, les continents. Ils sont tous plus larges en haut. Toute la gang. Ouais. Est-ce que tu connais J. Edgar Hoover? Non. Qui aime sacrer dehors des agents du FBI qui ont les mains moites quand il lui serre la main. Donc, le gars, tu sais, du FBI, tu sais, il serre la main des gens. Si leur main est sue, donc s'ils sont stressés, ben, ils sacrent dehors. C'est-tu un président des États-Unis, ça, Hoover? J'ai oublié d'aller checker. J. Edgar Hoover, Wikipédia. OK. C'est le directeur du Federal Bureau of Investigation. OK. Donc, le directeur du FBI, finalement. J. Edgar Hoover. Et finalement, Kiwan, les filles ont plus de papilles gustatives que les gars. Wow, je suis jaloux. Je pense que je vais me faire greffer une langue de fille. Ouais. Bonne chance avec ça. Ouais, non, ça a l'air bizarre dit comme ça, mais bon. Ça a l'air un petit peu louche. Ouais. En tout cas. Alors, on retourne en musique? Oui. Ce qui s'en vient prochainement. OK. On va avoir la visite de... Émilie Gauthier. Émilie Gauthier qui va nous parler de plein air. Oui, elle va nous parler du Carnaval de Québec, du Festival Québec en glace, de North Face et du Festineige des Forges. Et aussi, moi, je vous reparle de mon carcajou dont je vous ai parlé tantôt. Tout le monde veut savoir c'est quoi ton carcajou. Je vous en parle après la pause. Ouais. Donc, on fait une pause, mais juste avant ça, on écoute The Almost avec la pièce Hands à Assemblage Rocky. De l'émission Le Rock du Grand Flambeau, je vous invite tous les jeudis à compter de 9h à écouter le meilleur du rock québécois des années 70 à C'est Fou 89.1 FM.

jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Elle sort du micro-ondes, mes deux pantoufles bouillantes, une pile de couverture minante, il pleut des plures piquantes. Sain et sauf sous mes draps, j'aimerais accoupler ta faim au goût de mon ananas. Donc, c'était notre bloc musical thématique avec comme sujet les saveurs de chip. Donc, on a entendu trois noms de pièces qui ont des saveurs de chip. Jésus Bench 400 livres avec ananas, polype avec presse citron et orange, orange avec et je pleure. Maintenant, c'est le moment de s'éduquer, d'apprendre des choses qui sont vraies, des choses qui sont nécessaires dans la vie de tous les jours. Voici, c'est un fait. Kiwan, savais-tu que plus de 100 milliards d'enfants aux États-Unis amènent un fusil à l'école à tous les jours, quotidiennement? C'est quand même beaucoup, 100 milliards, 100 juste aux milliards. États-Unis en plus, j'avoue, c'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup trop. Chaque jour, après l'Action de grâce, c'est le jour le plus occupé pour les dentistes aux États-Unis. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Hein? C'est quoi les joies? Les dents sont plus sollicitées, j'imagine, le jour du Thanksgiving. Ouais, on ne saura jamais. Tous les jours, 15 000 cigarettes sont fumées partout dans le monde. 15 000, c'est quand même pas tant. Ben, finalement, c'est une par 1000 personnes. Ouais. Si tu mets un poisson rouge dans une pièce sombre où il n'y a pas beaucoup de lumière, éventuellement, il va devenir brun. Ah. Ouais. Bon. En Albanie, tu connais l'Albanie? Oui. Hocher de la tête verticalement, ça veut dire non. Alors que se tenir sur une jambe, tenir son oreille, sautiller un peu, ça veut dire où sont les toilettes. Mais ça peut être confusant, ça, je trouve. Pas clair quand même. Hein? Ben oui, parce que c'est un geste quand même que tu peux faire accidentellement comme ça, puis là finalement quelqu'un t'indique les toilettes. Ouais, c'est bizarre. Si tu te grattes le genou, ça veut dire où est la canne de thon. Quand t'es dans un magasin, mettons, tu te grattes le genou. C'est quand même étrange. Ouais. Tous les continents de la Terre, Kiwan, sont plus en forme de grains de popcorn les uns que les autres. Ben oui, c'est vrai. Si on les regarde. Je connais pas tous, là, mais j'imagine que ouais, ça doit être vrai. J. Edgar Hoover aimait sacrer dehors des agents du FBI quand leurs mains étaient, tu sais, moiteuses, si on veut, que leurs mains suaient. Donc le gars, tu sais, leur serrait la main, puis si c'était moiteux, ça veut dire qu'il était stressé. Mais c'était qui ça, Hoover? C'était-tu un président des États-Unis, ça? C'est le directeur général de Télé-Québec. Ah, OK. Ouais. Et ça va être ça, Kiwan, finalement, que les filles ont plus de doigts que les gars? Wow, je suis vraiment jaloux. Je pense que je vais me faire greffer des mains de filles. Ouais. Ouais. Avec du cutex, ça va être très joli. Ça va être cute. Très joli. Alors, on tourne en musique. Oui, mais avant ça, on peut peut-être dire ce qui s'en vient. Bien sûr. Il y a Émilie Gauthier qui s'en vient plus tard avec sa chronique plein air. Et aujourd'hui, elle va parler du Carnaval de Québec, du Festival Québec en glace de North Face et du Festineige des Forges. Et aussi, moi, un petit peu plus tard, je vous parle du Carcajou dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans l'émission. Je suis encore pas mal sûr que tu m'as déjà parlé du Carcajou. T'es sûr? Ben, je sais pas. En tout cas, pour tout de suite, on va écouter le groupe Eddie Almos avec la pièce Hands à Assemblage Requis. De l'émission Le Rock du Grand Flamou, je vous invite tous les jeudis à compter de 9h à écouter le meilleur du rock québécois des années 70 à CFOU 89.1 FM. C'est fou de ta face. 89.1 Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Émile Gauthier nous fait sortir de notre trou avec sa chronique « Veux-tu sortir avec moi? » Et on fait le survol des nouveautés musicales de la semaine. C'est Assemblage requis et ça commence maintenant! Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées. On est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières et je m'appelle Mathieu Plante. Salut Kiwan. Salut Mathieu, ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui, ça va super bien. T'as passé une belle soirée hier, Kiwan? Oui, hier, écoute Mathieu, j'ai écouté un savoureux documentaire sur le carcajou. C'était vraiment fabuleux. Es-tu sérieux avec tes carcajou? Quoi? Tu me parles tout le temps de carcajou à gauche, carcajou à droite, carcajou en haut, carcajou en bas. C'est-tu quand tes mots de carcajou? Non, Mathieu, tu m'as posé une question, tu m'as demandé qu'est-ce que j'avais fait hier, j'ai répondu. En tout cas. Non. Alors, on va commencer la musique aujourd'hui, comme on le fait toujours, et une fois de temps en temps, on a des blocs thématiques, des blocs avec un sujet, avec un lien. Tu sais? Hein? De la musique? Non? Oui, et aujourd'hui, le thème musical, c'est le thème de ce bloc-là. En fait, ça va être les religions catholiques. La religion catholique, en fait, parce qu'on va entendre Jésus Ben 400 livres, donc Jésus. Jésus, tout le monde le sait, a fait la multiplication des fruits. Donc, on va aussi entendre polype avec presse citron et orange avec les jeux. Non, mais la multiplication des fruits, sérieux. Ben, c'est le thème qu'on avait choisi. Non, on pourrait pas choisir un thème qui a du sens ou qui a quelque chose, une vraie raison d'être. C'est dans quelle Bible, ça, la multiplication des fruits? On avait choisi ce thème-là, Mathieu. Donc, on va écouter le bloc musical tout de suite. Ouais. On écoute ça à Assemblage requis. On va aussi avoir Émilie Gauthier tantôt qui va nous parler de plein d'affaires, hein, en tout cas. Ouais. Ouais. Multiplication des fruits. Qui tombe, la fenêtre contre le nez, et je pense aux enfants du tiers-monde qui vont naître contre leur gré. J'imagine une fleur sur la tombe d'un soldat qu'on a égaré sous les cadavres et les décombres de tout mon cœur. Et je pleure toute la journée, et je pleure pour me soulager, et je pleure pour l'humanité, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure. I'm in need of some deep attention. Mes livres en trop, je danse tous les vendredis soirs, je fais l'amour en stéréo, je m'achète une télévision, je me couche pour un téléthon, je compose de tristes chansons de tout mon cœur, et je pleure toute la journée, et je pleure pour me soulager. I'm in need of some deep attention. jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Alors voilà, c'était notre bloc thématique avec comme sujet la religion catholique, puisqu'on a entendu Jésus bench 400 livres avec la pièce Anana. Et bon, tout le monde sait qu'avec son outil de prédilection, le prêt citron, Jésus faisait la multiplication des oranges. Donc, ça couvre tout le bloc qu'on vient d'entendre. C'est la Bible des Mormons, Claude Jean? Ben non, c'est vraiment la religion catholique, là, le thème. Ouais. Maintenant, c'est l'heure d'apprendre des choses qui sont véridiques, des choses qui sont réelles. Voici, c'est un fait. Kiwan, savais-tu que presque 100 000 enfants aux États-Unis amènent une clé à molette à l'école pour réparer les toilettes à tous les jours? Ça fait quand même pas mal de toilettes. Hein. J'avais jamais pensé à ça, qu'il y avait autant de toilettes dans les écoles à réparer. Ouais. Mais bon, c'est surprenant quand même. Ouais. Le lendemain de l'Action de grâce, c'est la journée la plus occupée pour J. Edgar Hoover. Ah, okay. Chaque année. Est-ce que tu sais c'est qui? C'était-tu un président des États-Unis, ça, Hoover? J'ai pas fait de ma recherche, un peu. J. Edgar Hoover, j'aurais pu faire ça avant. C'est le directeur du Federal Bureau of Investigation. Ah, OK. Ouais. Un autre fait intéressant quand même, à chaque jour de l'année, 15 milliards de papilles gustatives sont touchées dans la langue des gens, avec leurs doigts. Quand même. Quand même pas pire, quand même. Si tu gardes un poisson rouge dans une pièce sombre, OK, à date, tu me suis? Oui. Bon. Apparemment que ça veut dire non. Ah ouais, pour vrai. Mais ouais, c'est comme dire non à quelqu'un, c'est comme, tu sais, poisson. Mais, ouais. En Albanie, tu connais l'Albanie? Oui. Ouais. En Albanie, on dit que les agents du FBI qui avaient des pommes, qui suivaient des mains en Albanie. Avaient des pommes moites. Ouais. Ouais. Eh ben. Mais il faut. Ouais, je suis pas sûr que j'y crois tous ces faits-là. Ouais, c'est sûr que c'est toujours discutable, là, ça-là. Ça vient des internets, là, puis on sait pas trop ce que ça veut dire, mais bon. Que veux-tu? Ouais. On va retourner en musique. Oui, on va retourner en musique. Juste avant ça, peut-être mentionner que dans quelques minutes, on va recevoir Émilie Gauthier. Oui, Émilie Gauthier qui va nous parler aujourd'hui du Carnaval de Québec, du Festival Québec en glace de North Face et du Festi-Neige des Forges. Il me semble qu'on dit souvent le nom d'Émilie hein, aujourd'hui. Ben ouais, mais elle va s'en venir bientôt, je pense. Là. On dirait qu'elle arrive comme jamais. Bon, en tout cas, dans quelques minutes, je vous parle du Carcajou. J'en ai parlé en début d'émission. Tu parles tout le temps de Carcajou. T'es tout le temps en train de parler de Carcajou. Ben non, mais je voulais juste faire un petit rappel. J'en reparle dans quelques minutes. Là. Je voulais juste te dire que tout tantôt, on t'entend. Est-ce que tu vas vraiment en parler? Oui, tantôt, on vide la question du Carcajou. Mais juste avant ça, on s'en va en pause. Mais avant, on écoute The Almost avec la pièce Hands. À Assemblage Ricky. De l'émission Le Rock du Grand Flamou, je vous invite tous les jeudis à compter de 9h à écouter le meilleur du rock québécois des années 70 à CFOU 89.1 FM. 88 89 1 1 1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Émilie Gauthier nous fait sortir d'un trou avec sa chronique « Veux-tu sortir avec moi? » Et on fait le survol des nouveautés musicales de la semaine. C'est Assemblage requis, ça se passe maintenant! Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées. On est en direct des studios de CIFO à Trois-Rivières et je m'appelle Mathieu Plante. Salut Kiwan. Salut Mathieu, ça va bien? Ben oui, t'as passé une belle soirée hier, toi? Oui, j'ai passé une super belle soirée. En fait, hier, j'ai écouté un savoureux documentaire sur le carcajou. C'était vraiment fabuleux. Les gars, je dis ça de même, mais il me semble que ça fait comme 5 fois que vous recommencez le début de l'émission. Ben, je sais pas, c'est l'introduction de l'émission, mais qu'est-ce que tu fais là, Émilie? Ben, c'est le temps de ma chronique, là. C'est parce qu'il est rendu presque 4h30. Je te l'avais dit, Kiwan, que t'arrêtais pas de parler de carcajou tout le temps. Mais là, je comprends pas, là. Je sais pas, je vous écoute depuis tantôt, puis ça fait 5 fois que vous recommencez l'émission. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Ah, peut-être, je sais pas. T'as-tu remarqué quelque chose, toi? Je sais pas. Ben non, mais écoute, on va faire la chronique d'Émilie tout de suite, je pense, vu qu'elle est arrivée assez tôt dans l'émission quand même aujourd'hui. Ouais, il me semble que c'est bon. Salut Émilie! Ben allô les gars là! Salut! Ça va? Ben ça va bien, je pense. Vous autres? On fait la chronique tôt dans l'émission aujourd'hui parce qu'on veut sortir. On veut sortir vraiment là. Je sais vraiment pas de quoi vous parlez. Vous êtes vraiment bizarre aujourd'hui. Ça se tient pas vraiment. Ouais. En tout cas. Ouais. Parlons juste de plein air, parlons de dehors. Oui, de quoi on parle aujourd'hui? De quoi on parle? On va parler du Festival Québec en glace de North Face. C'est la première édition. C'est une activité qui est en association avec le Carnaval de Québec. Ça se tient au parc La Chute Montmorency du 4 au 7 février, donc jeudi à dimanche prochain. Pendant 4 journées, il y a des activités, des événements, des ateliers, des conférences qui sont offertes. C'est situé à environ 1h45 de Trois-Rivières, les chutes. L'entrée est gratuite, le stationnement est à 5 $. Le prix varie selon les activités. Il y en a certaines qui sont gratuites, puis ça va jusqu'à 10 $ par activité. Il y a de l'escalade sur glace, du camping d'hiver, de la raquette, des glissades sur tube, des compétitions d'escalade. Il y a des soirées avec des DJ, fait que c'est des belles journées d'activité en plein air. J'ai mis la programmation dans ma chronique, c'est qui va être sur le site web d'Assemblage Requis. Assemblagerequis.com. Voilà. Mais je peux pas vous le dire, le site est un petit peu trop long pour commencer à vous l'énumérer. Donc toute la programmation est sur le site. Puis je pense que c'est une belle occasion de faire des activités en plein air. Le parc de la Chute Montmorency, c'est un super beau parc aussi. Uh-huh. Puis comme première édition, je pense que ça vaut la peine d'aller voir de quoi ça a l'air. North Face est quand même une bonne compagnie de plein air, donc il doit avoir organisé des choses de qualité. D'avoir du cash là-dedans. Sûrement, oui. Surtout que c'est en collaboration avec le Carnaval de Québec, qui a eu je sais pas combien de millions cette année pour le Carnaval. Ça doit être quelque chose d'assez bien. On va en profiter. Voilà. Tu vas en profiter. Pas toi, Mathieu. Je sais pas. Ah non, non pas. Mais dans les autres choses, il y a de la nourriture, mais pas dans celui-là, malheureusement. On n'atteindra pas Mathieu avec le Carnaval de North Face. Ensuite, ben c'est ça, il y a le Carnaval de Québec, qui est le plus grand carnaval d'hiver au monde. Vite, l'origine du carnaval remonte en 1894. C'est la date où la première fête d'hiver structurée a été organisée. On s'entend que ça fait un petit bout, hein? Mais c'est vraiment en 1954 que le Bonhomme Carnaval a été créé, en 1955 que le carnaval a pris son nom, puis depuis, ça s'est répété à toutes les années. Est-ce qu'ils l'ont fait plusieurs fois dans la même année? Le carnaval? Oui, ouais, le carnaval. Je pense que c'est tout le temps de mi-janvier à mi-février environ. OK. Voilà. C'est certain, là, je peux pas commencer à toutes vous énumérer les activités. Il y en a tellement. Il y a comme 10-15 activités par jour sur 2 semaines et demie. Ça commence à faire beaucoup. Le festival est du 29 janvier au 14 février. Donc, on est en plein dedans, là. On est comme en plein dedans. Ça a commencé la fin de semaine passée, donc... pas mal là. Il y a des activités qui sont à ne pas manquer. Ben là, il y a la cérémonie d'ouverture qui est passée. Il y a la cérémonie de fermeture le 14 qui va être intéressante aussi. Il y a l'hôtel de glace, le palais de bonhomme. Il y a une course, un concours international de sculpture de neige, du rafting des neiges, course de canot, promenade de traîneau à chien. Un bain de neige, un défilé de nuit, le bal du bonhomme, puis j'en passe parce que, comme je dis ça, il y a environ 10 à 15 activités par jour. Sur 2 semaines et demie, ça fait beaucoup d'activités. Faut pas oublier aussi le caribou, qui est quand même un des emblèmes là, du festival. Pas l'animal. Pas le carcajou non plus. La boisson. Ouais. Je ne sais pas pourquoi tu parles de carcajou. Je sais pas. Ouais, le caribou, Mathieu, est-ce que tu connais la boisson, le caribou? Oui, ben ouais, c'est la boisson québécoise. Là. Ouais, c'est ça, c'est comme ce genre. Non. C'est de l'alcool. Ah. C'est comme ça ressemble un peu à du Porto. C'est un genre de vin très fort qui se boit chaud. Et c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est méchant. Là. Je trouve pas que c'est super bon, mais au carnaval, il y a tout plein de bars un peu partout là, qui servent ça, le caribou chou. Il y a comme des chauds. Le caribou chaud. Le caribou chou. Le caribou chou. Chaud. Ça se boit avec une queue de castor, la pâtisserie. Ah, ben tu vois, là, on commence à avoir des choses pour t'attirer au festival, là, au carnaval. Queue de castor, caribou. Ça tient au chaud dans tous les sens du terme. Une peau de vache, oui. Un snuggie. Mais oui, amène avec ton snuggie. Avec un imprimé de vache dessus. Amène ton snuggie, assemblage requis. Hey! Ho! Oh. On devrait en faire, pour vrai. Ouais. Les filles adorent ça. Ben oui. Hein, Émilie? Je vais passer le sujet. D'accord. je vais terminer pour le carnaval. Okay. Oui, vas-y, oui, excuse-nous. Hein. Ah, c'est correct. On s'emporte, là. Vous êtes bizarres aujourd'hui, de toute façon. Ça change pas grand-chose, là, mais bon. Hein, continue. C'est rempli de compliments aujourd'hui. Là. Voilà. Mais c'est ça, il y en a encore et encore. Fait que je vous conseille d'aller voir toute la programmation de l'événement sur le site officiel www.carnaval.qc.ca. Tarif de base, c'est de 12 $ pour la passe qui est à l'effigie du bonhomme qu'on porte. On peut rentrer partout. J'imagine qu'il y a certaines petites activités qui demandent de débourser des frais supplémentaires, mais pour pouvoir accéder au site et aux activités de base, c'est 12 $. Voilà. Fini pour le carnaval. D'accord. Puis pour terminer, j'ai 2 festivals de quartier qui se déroulent en fin de semaine. Il y a le Festineige dans le secteur Saint-Michel-des-Forges, puis il y a une journée d'activité dans le secteur Sainte-Cécile. Premièrement, samedi prochain, le 6, il y a une journée d'activité qui se tient, là, c'est le secteur Sainte-Cécile, de 10h à 20h. C'est une fête familiale qui présente plusieurs activités comme de la glissade, une course de poche à patates. Une course de poche à patates. Exactement. Il y a de la pêche pour les tout-petits, il y a un tournoi de ballon-ballet, de hockey-ball, il y a des hot-dogs à 75 sous, de la tire sur la neige. Il y a un magicien du patinage libre avec de la musique disco. Toute la programmation est sur le site qui va être en lien sur la page d'Assemblage Rocky parce que c'est un site qui prend 2 lignes, donc c'est un petit peu long. Puis pour terminer le tout, la 18e édition du Festineige des Forges qui se déroule du 5 au 7 février prochain, soit vendredi à dimanche. L'ouverture officielle du festival a lieu vendredi soir de 19h à 22h lors de la superbe disco familial sur glace au coût de 2 $. Ouais. Samedi, il y a des activités de l'animation qui commencent à 13h. Pour le souper, il y a le traditionnel souper spaghetti qui a lieu à l'église Saint-Michel pour le coût de 6,50 $. Et la soirée prend fin avec la disco sous le chapiteau qui aura lieu après le feu d'artifice de 20h30. Oh, quand même! Le feu d'artifice, mm-hmm. On aime ça. Dimanche, il y a une partie de hockey et il y a de l'animation, de la tire sur neige. Durant toute la fin de semaine, on peut faire de la glissade sur tube, du patin, de l'escalade. On peut se perdre dans le labyrinthe de neige. Et mourir. Se perdre. Non. Mm-hmm. Mourir de froid. Et il y a une partie de babyfoot géant qui est encore mystique depuis le festival de Trois-Rivières. On se demande toujours le babyfoot géant. Vous l'avez pas vu l'installation de babyfoot géant? Non. Moi, je l'ai vu pendant les nuits polaires. Il y avait le terrain de Babyfoot Géant qui était dans le parc Champlain. C'était épais un bâton, quoi? Non, ça, c'est vraiment c'est des bandes là, qui forment un terrain rectangulaire. Mm-hmm. Puis à l'intérieur, tu rentres dedans, puis il y a comme des espèces de bâtons qui traversent entre les deux bandes. Puis là, il faut que tu te tiennes sur le bâton. Okay. Donc, il y a comme des joueurs qui sont entre chaque... Un joueur par espèce de rangée là, qui est formé par chacun des bâtons. Mm-hmm. Puis là, ben, tu peux juste te déplacer de gauche à droite entre les deux bandes. Tu peux pas avancer, peux juste rester dans ton espèce de corridor là, qui est formé autour de toi. Donc, c'est un peu comme un jeu de baby foot. Mais tu bottes le. C'est du foot, finalement. Wow! Ouais, ouais. Cool! Très cool. Le baby foot démystifié. Toute la programmation du Festineige sur la page Assemblage Requis, parce qu'encore une fois, le lien prend une ligne et demie. Ils ne s'aident pas avec ça, eux autres. Non, pas vraiment. Mais assemblagerequis.com, ça se retient très, très bien. Mais c'est plus facile. Ça se retient très, très bien, ouais. Ouais. Okay. C'est fou.ca, c'est encore plus facile. Oui, puis cliquez sur la petite image d'Assemblage Requis. Voilà. Ça se fait tout seul, ça. Mm-hmm. Bon. C'est tout, pas de conseils de maman. Non, de... j'ai pas. Non. Non. Vous m'avez toutes déstabilisé. Je vous écoutais tantôt, puis là, je comprenais plus rien. Mais on va aller écouter un petit bloc musical qui est, je sais pas, qui est à l'honneur de l'émission d'aujourd'hui, peut-être, pour terminer. OK. Vous êtes l'Assemblage Requis jusqu'à 17h. Hein? Oui. Hein? Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Merci, Milly. Ça fait plaisir. À la mardi prochain, c'est ça. Ouais, la prochaine. La vie, c'est comme une courbe. Non, la vie, c'est comme une boucle. Une boucle sans fin. C'est comme quand tu bois une sloche poppy. Sur le verre, tu vois sloche poppy qui vient d'un verre avec sloche poppy dessus. Qui, lui, vient d'un verre avec sloche poppy qui vient d'un verre avec sloche poppy. Qui vient de même avec Slosh Poppy. Qui vient de même avec Slosh Poppy. Qui vient de même avec Slosh Poppy. Qui vient de même avec Slosh Poppy. Qui vient de même avec Slosh Poppy. Qui vient de même avec Slosh Poppy. Qui vient de même avec Slosh Poppy. Qui vient de même avec Slosh Poppy. Qui vient de même avec Slosh Poppy. Qui vient de même avec Slosh Poppy. Avec comme une boucle, une boucle sans fin. Aujourd'hui n'est pas différent. Mais que sera demain? Une autre journée à travailler pour gagner notre pain. C'est les premiers recommencements. Il n'y a pas de si bain. Si tu attends de l'aide, personne ne viendra. T'attends ce monde de rêve. Les pauvres ne comptent pas. Arrête de fabuler. C'est ton plus fort la poche. Si tu n'as jamais pêché, tire-moi la première roche. Il n'y a aucun sauveur, aucun super-héros. Mais l'espoir d'y croire. Ah, ça c'est beau. La vie est si parfaite quand on est un robot. Recommençons depuis le début. C'est comme un miroir. En fait, c'est comme la maison des miroirs. Ça coûte 4 coupons, et puis ça finit par une glissade. Une longue glissade. On recommence ce que l'on a fait depuis le début, et on y joue son propre rôle. Comme quand tu vois une sloche poppy. Sur le verre, tu vois sloche poppy qui vient d'un verre avec sloche poppy dessus. Qui, lui, vient d'un verre avec sloche poppy. Qui vient d'un verre avec sloche poppy. Qui vient de verre avec Slosh Poppy. Qui vient de verre avec Slosh Poppy. Qui vient de verre avec Slosh Poppy. Qui vient de verre avec Slosh Poppy. Qui vient de verre avec Slosh Poppy. Qui vient de verre avec Slosh Poppy. Qui vient de verre avec Slosh Poppy. Qui vient de verre avec Slosh Poppy. Qui vient de verre avec Slosh Poppy. Qui vient de verre avec Slosh Poppy. Qui vient de verre avec Slosh Poppy. Qui vient de verre avec Slosh Poppy. Petite pour tout ce qui y est. On a assez investi pour explorer la galaxie. Dans quelques temps d'ici, je déménage pour toute la vie. Vers une autre planète, je file comme une comète. Construire une station orbitale. Où le pain serait bon et la vie serait normale. Pulser sur la lune pour comprendre qui s'y va. Les jours s'étaient comme une plume qui ne reviendra pas. Je veux vivre autrement et de le dire je n'ai pas peur. Je veux grandir comme rat et vivre en apesanteur. Pulser sur la lune pour comprendre qui s'y va. Les jours défilent comme une plume qui ne reviendra pas. Je veux vivre autrement et le dire je n'ai pas peur. Comme un en vivant la pesanteur. maintenant que j'ai ma bagne, je vais pouvoir épater tout ce guignol. Mais les filles vont m'amener, c'est avec moi qu'elles vont aller au ciné. Mais un jour, quel cauchemar, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces salopards. Ma belle voiture vandalisée, oui la voiture, ils l'ont sauté. Elle était belle, elle était rouge, elle avait des sièges en velours. Et maintenant que je suis habillé, qu'est-ce que je fais si je la gueule. Aujourd'hui c'est la même île, mais y'a une chose bizarre, j'ai un rencard. Et Suzy elle va se moquer devant tous mes amis, elle va me crier. Et toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je t'avais pourtant bien averti. Pourquoi veux-tu que j'aille danser avec toi si tu es à pied? Mais moi, je m'abandonne. Oui, m'abandonne. Je je reste maqué car j'ai réussi à la remonter. Oui mais un soir, ce cher mon père m'a pris d'un coup, culotte à terre. M'a tabassé, bandé les yeux et m'a traîné chez les mafieux. Mon préféré, c'est Jérémy. Lui il n'a pas la face de rat. Il m'a permis de voir Suzy coupé en pièces dans un petit plat. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. On vient d'entendre la pièce Bagnole des Marmottes aplaties. On a aussi entendu la pièce La Boucle. Et c'est un bloc qui représente bien l'émission d'aujourd'hui, 2 février. Et on voudrait dédier ce bloc à notre bon ami Phil dans sa tanière qui nous écoute en Pennsylvanie. Salut Phil. Et on vient après la pause avec les nouveautés musicales de la semaine à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est fou dans ton char. 89-1-1-1. Bon, vous êtes toujours à Assemblage Requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Et que vous ayez aimé ou pas notre émission aujourd'hui, ou que vous avez compris ou pas le concept de la chose, ou si vous venez tout juste de vous joindre à nous et vous savez pas trop de quoi on parle, ben vous pouvez aller faire un tour sur le assemblagerequis.com ou sur cfou.ca pour télécharger l'émission d'aujourd'hui, pour la réécouter, essayer de comprendre un peu. Juste une fois à l'écouter, par exemple. Et c'est ça, on pourrait peut-être même inviter les gens à nous laisser leurs commentaires. Il y a une section contact sur assemblagerequis.com, donc cliquez là-dessus, remplissez le formulaire et ça va rebondir directement dans notre boîte de courriel et on va vous lire, c'est certain. Voilà. Parfait, il reste une quinzaine de minutes à l'émission. On va faire les nouveautés CD dans quelques minutes, mais juste avant ça, on va aller écouter le groupe de Shaq Butts avec... Kildo Martinez à Assemblage Requis au 89 FM. C'est fou! Oh, La formation de Shagbot, c'est l'extrait Kirdo Martinez qui est passé pas mal inaperçu quand ça a figuré sur le palmarès il y a de ça quelques semaines ici à Sifu du côté anglophone. Disons que ça a pas tellement monté, mais quand même, c'est très bon, je trouve. Nous, on l'a pas oublié. En tout cas, on la passe encore. C'est ça. Maintenant, on va parler des nouveautés musicales qui sortent cette semaine avec Kiwan un peu. Hein? Oui, c'est ça. Pas énormément de trucs cette semaine comparativement à la semaine dernière et à l'autre semaine d'avant aussi. En plus, on va parler un petit peu plus tard de Hot Chip dont Maxime nous a déjà parlé hier. On va quand même écouter un autre extrait. Mais pour tout de suite, je vous parle du nouvel album de Stereophonics, ce groupe anglais qui en est déjà à leur 8e album studio. C'est un groupe qui roule quand même depuis assez longtemps. Depuis, en fait, le groupe existe depuis 1996. Leur nouvel album s'appelle Keep Calm and Carry On. Il est sorti, en fait, le 16 novembre dernier sur iTunes. Ça fait quand même un petit bout de temps. Mais c'est rétro, même. Ouais, hein, c'est vraiment... Old school power. Ça va être de l'année passée. Mais l'album est disponible en magasin, en format CD, est disponible en magasin aujourd'hui, ici en Amérique du Nord, ou en tout cas au Canada. Voilà. Donc, c'est un groupe du Pays de Galles, tout comme Los Campesinos. Ah! L'accent, est-ce qu'il est là, l'accent? Moins. Ils n'ont pas tout à fait le même accent que Los Campesinos. Mais donc, c'est ça, 8e album pour Stereophonics qui avec cet album-là, vont pas révolutionner ni la musique en général, mais même, je dirais... C'est quand même un bon album que j'ai aimé écouter, mais tout d'abord, faut dire que Stereophonics, c'est quand même un son assez qui s'adresse à un public large, disons. C'est mainstream. Voilà, comme vous utilisez certains. Cette expression anglaise. Expression surutilisée, d'ailleurs. Mais c'est quand même un bon album. Et puis, c'est ça, dans le fond, je pense que c'est pas leur meilleur album parmi tous ceux qui ont fait. Moi, je suis pas un très, très grand connaisseur, mais j'avais découvert moi, ce groupe-là avec leur album qui avait sorti en 2003. Je crois, oui, c'est ça, 2003 ou 2004, dans ce coin-là, que l'album s'appelait Language, Sex, Violence, Other. Et il y avait la pièce Dakota, peut-être que tu te souviens de cette pièce-là de Stereophonics. Chante-moi là. Non, je pourrais pas te la chanter, là, mais en tout cas, c'était super catchy. C'était vraiment là, tout à fait dans la nouvelle esthétique de la musique indie. Puis à cette époque-là, justement, c'était frais, tu sais, en 2003. Mais là, c'est ça, ils ont pas trop renouvelé leur son depuis cette époque-là. Puis même, je te dirais qu'ils ont perdu un peu là, le petit côté mélodique naïf qu'il y avait sur cet album-là. C'est un rock un petit peu plus conventionnel, je dirais, mais ça s'écoute quand même très bien. On va écouter la pièce Could You Be the One de cet album Keep Calm and Carry On de Stereophonics. Every little thing you do is magic lately. Every single thing that you do is cool. Every little thing you do is tragically hip. Even when you tend to play the fool. When you open up your tired eyes and take a look at what's inside, the mirror on your wall tells you the truth. You're exactly where you wanna be. There is no room for streams of C'est fou, 89 ans. Le bon métier dans tout ça! Vous écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. Et oui, vous êtes toujours avec Kiwan et Mathieu à l'émission Assemblage Requis. Il reste seulement quelques minutes à l'émission avec toutes nos folies. On a un peu perdu de temps. Donc, il me reste, je vais vous parler, en fait, j'ai l'impression d'avoir souvent dit aujourd'hui qu'on vous présenterait du Yeah Yeah Yes, je sais pas pourquoi. On n'aura pas vraiment le temps d'écouter une pièce, mais de toute façon, juste un petit mot sur Yeah Yeah Yes, c'est pas un nouvel album qui sortait aujourd'hui, c'est seulement un simple. C'est en fait une version acoustique de la pièce Skeletons qui était sur l'album It's a Blitz qui date de 2009. Donc, c'est une version acoustique plus le vidéoclip de la pièce qui sont disponibles en simple. Donc, vous pouvez acheter ça depuis aujourd'hui sur iTunes. Et je vous parle de la dernière sortie d'album pour aujourd'hui. Maxime nous en a parlé un peu hier. C'est le groupe Hot Chip qui sort leur album One Life Stand. C'est leur quatrième album studio. Le son du groupe a changé un petit peu à travers le temps. En fait, le groupe n'existe pas depuis longtemps. C'est seulement en 2005 qu'ils ont sorti leur premier album Coming On Strong. Et à cette époque-là, cet album-là était assez minimaliste. C'était électro, mais très minimal. C'était pas très très étoffé comme arrangement. Et tout de suite à leur deuxième album, leur son a changé un peu. C'est devenu plus dansant. C'était même des fois une petite touche un peu de disco, je trouve. Donc c'est devenu un électro-pop beaucoup plus dansant, le son de Hot Chip. Mais pour cet album-là, One Life Stand, je trouve qu'on fait un petit retour en arrière. Je trouve que les arrangements sont moins chargés, sans que ce soit aussi minimaliste qu'à l'époque de Coming On Strong. C'est comme un mélange, finalement, entre les deux styles, les deux époques que Hot Chip ont connues. Et ça donne vraiment un mélange excellent. On va écouter la pièce Halley Cats et je pense que c'est comme ça qu'on va terminer l'émission, Mathieu. Exactement, on va se quitter jusqu'à demain 15h. Dans l'émission demain, il va y avoir Simon Faitzbé, sa chronique Paul is Dead sur les mythes du rock'n'roll. On va aussi avoir les drôles de gars des incorrigibles dans l'émission, donc soyez-y, c'est à 15h demain. D'ici là, aujourd'hui à 17h, dans quelques minutes à peine, ça va être la reprise de Chérie m'écoute-tu avec Sophie Laforêt. Puis il y aura Rock révélé à 19h et réanimation avec du métal à 21h. Comme toujours, écoutez nos émissions quotidiennes ici à C'est Fou. Elles seront de retour demain aussi. La pilule du lendemain avec Simon à 7h et le dîner de con à 11h avec Danny et André. Voilà, on se quitte avec donc Hot Chip et puis passe une belle soirée, Kiwan. Ben, bonne soirée à toi, Mathieu, et à tout le monde. Et à Phil. Phil. En fait, Sylvanie. Comment? Respect, Phil. Respect! Allez voir sur assemblagerequis.com pour les liens d'émission d'aujourd'hui et pour télécharger la balado-diffusion de cette très, très excellente émission. Bye. Bye, Matt. Speaking tongues like alley cats, cradled.